aveuglé par l'amour, incapable de gérer ma haine. Il a fallu que je frôle la mort pour que je comprenne. Désert et Manitou, check ici, y'a pas de mytho. Manitou, désert. Haine et amour, 1-1. J'efface un texte et je le recommence. D'un coup ça me semble si facile. Est-ce un coup? Ne crois pas que mes récits sont factices. Alors vos vies de merde, ça se passe comment? On a pour beaucoup des parcours fragiles. C'est pas le manque de bouffe qui m'entoure, plutôt le manque de famille. Haine et amour, ça nous suivra jusqu'à la mort. Je crèche un étour, c'est pas la mer à boire. Citoyen de la terre, je suis seul maître à bord. Je vais pas mettre à boire, sans taf, pourtant je me sens chaque fois à la bourre. L'heure passe, je stagne, mais faut pas croire que j'en ai rien à foutre. Haine et amour, un M comme dans la mort. On pratique pas la même boxe ni les mêmes parcours. La merde c'est pas cool, y'en a souvent jusqu'à rapport hardcore. Je ressens le ras-le-bol aux alentours. J'assouvis la fin de ma plume, la nourrie de peine d'amère. J'fume le poids de mon passé pèse sur mon cœur comme une enclume. Faut que j'assume mes erreurs, mes défaites de décennies entières à me péter la tête. Pour oublier, j'aurais mieux fait d'écouter. Aveuglé par l'amour, incapable de gérer ma haine. Y'a fallu que je frôle la mort pour que je comprenne. Que je freine mes pulsions d'autodestruction. De toute façon, tu peux que remonter lorsque tu démarres du fond. Eh ouais, du con, je m'entête à faire du son vu que j'ai plus que ça. Me triture la tête dans l'écriture, pleura avec mes gars. On fait les choses, attention aux dégâts, feu classerie sur le gâteau. On a besoin que de platine et d'un putain de micro. Désert et Manitou, check ici, y'a pas de mytho. Nique les jaloux qui font des airs et protège ton dos. J'ai beau imaginer le sourire de ma mère dans mes souvenirs. En soutirer un peu d'amour, chaque jour je dois me préparer au pire. Haine et amour, un M comme dans la mort. On pratique pas la même boxe ni les mêmes parcours. La merde c'est pas cool, y'en a souvent jusqu'à rapport hardcore. Je ressens le ras-le-bol aux alentours. Haine et amour, un M comme dans la mort. On pratique pas la même boxe ni les mêmes parcours. La merde c'est pas cool, y'en a souvent jusqu'à rapport hardcore. Je ressens le ras-le-bol aux alentours. Haine et amour, un M comme dans la mort. On pratique pas la même boxe ni les mêmes parcours. La merde c'est pas cool, y'en a souvent jusqu'à rapport hardcore. Je ressens le ras-le-bol aux alentours.